Et oui, vous reconnaissez le générique de Pop and Rock, c'est Eric donc pour une heure de musique et on se lance ce soir pour notre deuxième partie consacrée à Sisters of Mercy. Pour cette deuxième session consacrée aux Sisters, ça va être donc la bande de Andrew mais qui aura un petit peu changé puisque comme je vous le disais, Ben Gunn et Wayne Hussey ainsi que Gary Marx ne sont plus dans le groupe des Sisters. On va voir apparaître la fameuse bassiste Patricia Morrison. Autre survivant des deux premiers albums, la boîte à rythme, vous rappelez, Dr. Avalanche. Allez, on lance tout de suite avec le premier morceau, Dominion Mother Russia. Heat of the moment. Say, say, say. On est donc toujours dans Pop and Rock et on écoute le troisième album des Sisters avec un nouveau morceau qui arrive, Lucretia, My Reflection. I Alors c'est la semaine passée dans les deux premiers albums qu'on a écoutés, Some Girls Wonder By Mistake et First and Last and Always, on avait affaire à beaucoup de guitare, beaucoup de basse et la voix caverneuse de Andy et Andrew Elwich. Cette fois-ci, on passe avec Floodland et Vigencing un peu plus tard dans la soirée sur de la musique beaucoup plus complète avec beaucoup de synthé, beaucoup de chœurs et bien évidemment toujours la basse et la batterie de Dr. Avalanche et la belle voix de Ando. On écoute tout de suite This Corrosion. Oh,

Allez, toujours avec Sisters dans Pop and Rock. Alors Sisters, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Ben, essentiellement, ce sont des tournées avec toujours Andy à la voix, l'immuable Andy, deux guitaristes, un bassiste, et puis forcément, Dr. Avalanche pas bien loin. Allez, on va écouter le dernier morceau de ce troisième album. On écoute donc tout de suite Driven Like the Snow. Allez, on est toujours sur RVR, et puis je vous rappelle, si vous avez envie de réécouter les émissions ou simplement les écouter parce que le lundi et le mercredi vous n'êtes pas dispo, vous allez sur la page de rvrradio.fr et vous trouvez tous les podcasts de notre émission. Et puis également sur la page Facebook de Pop & Rock, vous trouverez là régulièrement mis à jour les playlists. Allez, on continue. Vision Thing, c'était donc le premier morceau du quatrième et dernier album des Sisters. Donc Sisters, comme je vous le disais, plus d'albums, par contre maintenant quelques concerts. Et puis la chance qu'on a, c'est que depuis une dizaine d'années, Andrew Elrich s'est enfin décidé à venir rendre visite aux Français, parce que pendant des années, pour lui, la France, c'était pas possible. Il envisageait pas du tout. La seule chose qui pouvait le motiver pour venir en France, il le disait dans des interviews, c'était les Françaises. Là, ça va mieux, on le retrouve maintenant régulièrement, puisque nous, notamment, on le verra en octobre au Bataclan à Paris. We'll À l'instant, c'était donc toujours l'album Vision Thing avec le morceau Detonation Boulevard. Allez, il nous reste 4 morceaux à écouter. Le prochain s'appelle Something Fast. We never needed. I don't need them now. All the things we ever did were always confidential and hidden from me. Stand all night at a red light anywhere in town, hailing Marys left and right, but none of them slow down. I've seen the best of men go past. I don't wanna be the last. Give me something. God knows everybody needs a hand in their decision. Some of us are not so sure. I've seen his own held out for a ride on television. I think he's still in Baltimore. You can stand all night at a red light anywhere in town, hailing Marys left and right, but none of them slow down. I've seen the best of men go past. I don't wanna be the last. Give me something fast. Bonne soirée avec Pop & Rock. What you see is what you see. Voilà, c'est déjà la fin de la seconde émission consacrée au Sisters of Mercy. Si vous avez envie de les retrouver, c'est simple, vous allez sur Deezer, sur iTunes, sur Spotify, enfin là où vous voulez pour trouver de la bonne musique, sur YouTube aussi, on trouve pas mal de choses intéressantes. Autrement, plus sympa, vous allez les voir le 19 octobre à Paris, au Bataclan. En attendant, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bis à tous. I want more.

that you can guess.